bien haut, les yeux pleins d'énergie, le militant fidèle à son devoir, au travailleur a consacré sa vie, le bien du peuple est son unique espoir, à son prochain il sait se rendre utile, car il est prêt à tous les dévouements, il se souvient du sublime évangile, dont il veut vivre les enseignements, le militant de l'œuvre syndicale. C'est le vrai défenseur de l'humble travailleur, honneur, honneur, au prolétaire, au militant de l'œuvre syndicale. Du syndicat, la cheville ouvrière, pour féconder sa tâche de sonneur, se recueillant en une noble prière, il offre à Dieu le fruit de son labeur, donnant à cause confiance et courage, il vient en aide aux faibles, aux malheureux, jamais en vain ce grand cœur ne soulage, il fait appel à ses soins généreux, le militant de l'œuvre syndicale, c'est le vrai défenseur de l'humble travailleur, honneur, honneur, au prolétaire, au militant de l'œuvre syndicale. Avec ardeur, tu fais connaître aux autres la vérité, la sagesse et l'amour. Instruit par toi, de vigoureux apôtres se dresseront pour lutter à leur tour. Pour l'ouvrier, il faut que tu batailles. Ton bel exemple nous entraînera. Bon militant, poursuis donc tes semailles. Par ton effort, la moisson on lèvera, le militant de l'œuvre syndicale, c'est le vrai défenseur de l'humble travailleur, honneur, honneur, au prolétaire.